Bonne nouvelle pour les partisans des Alouettes de Montréal. La semaine dernière, on a annoncé qu'Anthony Carvio revenait dans le nid. Il sera un ambassadeur pour les Alouettes de Montréal. Question un peu de savoir un peu qu'est-ce qui l'a poussé à revenir dans le nid. On va lui parler et d'abord, on va saluer encore une fois celui qui rend possible toutes ces entrevues en anglais. J'arrête pas de lui dire que je suis reconnaissant. Moi, ça m'ouvre une porte terrible. Michel Dugas, c'est Michel? Salut Danny. Hi, Anthony! How you doing, Danny? Hi, première question, dis-lui, on lui a parlé en français, on lui a dit tantôt, j'ai dit en dehors des ondes, mais je vais le dire, je l'ai trouvé pas mal bon dans on s'est parlé en français en dehors des ondes, puis je le trouve pas mal bon, et tu répéteras pas ça, Michel, dis-lui encore, mais dis-y s'il trouve ça dur, ses cours de français, parce que, on va te dire une affaire, tu sais, viens un ange aller à l'école, c'est pas facile, le français, c'est une langue qui est difficile à apprendre, pas comme l'anglais. Comment il trouve ça, apprendre ses cours? Moi, en tout cas, je vous le dis, là, d'ici 3-4 mois, il va être capable de donner une entrevue en français. Demande-y. Okay. Firsthand, we spoke to you before we got on the air about the fact that you speak rather good French. Danny wants to know if it's difficult for you to learn French because we still know you have a certain age, and French is not the easiest language to learn. So how do you cope with that right now, as of now? C'est très frustrant. It's very frustrating. I really started to learn French really in the last 3 years. Since je travaille à l'Université de Montréal. Okay. Mais c'est très difficile pour moi à entendre. So to entendre chaque mot. To hear all the words has been very difficult, mais je vois le mot. It's better if I could see the word, but it's still a challenge. But I'm maintenant je continue essayer. So continue to try. Dis Gary Carter. Finalement, besoin que je traduise. Dis-lui que Gary Carter, qui est une légende, je ne sais pas si tu as entendu parler, Michel, tu dois t'en rappeler, tu es encore plus vieux que moi. Lui, il s'est rendu populaire en disant deux mots, tabarnouche. Tu te rappelles de ça, Michel? Oui. OK, donc Gary Carter, dis-lui qu'il était devenu très très populaire à Montréal, juste en disant ça, puis avec son charisme. Fait que, déjà, c'est déjà pas mal bon, là. Anthony, Danny compares you to another big star in another former big star in Montreal, Gary Carter, who learned a few words of French and he was very popular for that. So he commends you for the fact that you are learning our beautiful language. We also commend you for the fact that you are trying to speak French. Actually, the question that pops in my mind, it's been, as you said, it's been 3 years since you've joined the Carabins of the Université de Montréal, which by the way, is my alma mater. Nice. How is it difficult to communicate with your players, or are they mostly bilingual? The majority are bilingual, but now, I try to present in French as much as I can, but it's still difficult. But most of them understand English, and of course, all the other coaches are truly fully bilingual. But if they have to ask some more questions, then usually the other guys take care of it. But usually in football in general, there's a lot of English terms, so it's been easier for me in that transition working at the university. Okay. J'en ai profité, Danny, pour lui Ouais. demander. Évidemment, il a joint les Carabins de l'Université de Montréal il y a 3 ans. En passant, je te dis, puis c'est ce que je lui ai dit aussi, c'est mon alma mater, j'ai étudié à l'Université de Montréal OK. à l'époque, avant qu'il y ait des équipes compétitives. Ce que je lui ai demandé, est-ce que c'est difficile pour toi de communiquer avec tes joueurs qui sont pour la plupart des francophones? Et ce qu'il me dit, c'est que non, pas tellement. Il dit la plupart des joueurs sont bilingues, comprennent l'anglais. Les autres coachs aussi comprennent, sont parfaitement bilingues. Et il dit aussi que beaucoup de termes de qui sont utilisés au football sont des termes en anglais que les joueurs comprennent déjà. Donc, l'intégration se fait quand même assez bien, mais il essaie quand même de tout faire ça, d'en faire le plus possible en français. Voilà. OK. Vas-y, Michel, si tu as des questions, puis après ça, on va y aller plus sérieusement. Donc, vas-y, c'est de façon plus sérieuse. OK. Staying with the language, Anthony, I was wondering, I've been around the Quebec Major Junior Hockey League quite a bit over the last 10-15 years, and what's happening in the locker rooms, the coaches are francophone, but they insist on speaking English to their players to get them prepared for professional hockey. Is that the way you approach things yourself? Pour moi, no. Well, my native tongue is English, so of course that's what I'm comfortable with, and I try to use as much French as I can. But you know, my intent is not to teach kids so they could, you know, have a chance at the second level. But I do remember guys who I played with who their English was not that great, but they caught on very fast because of the football terms again that are in English. But for me, it's not a main focus where I'm thinking, hey guys, you have to speak English if you guys want to play professional sports. I think the majority of them understand enough where they're going to continue to get better with it. Ce qu'Anthony nous dit, Danny, c'est il revient un peu sur la même réponse qu'il m'a donnée tantôt, à savoir que il n'insiste pas sur le fait que les jeunes doivent parler anglais. Parce que la question que je lui ai posée, je lui ai dit, dans la Légion majeure du Québec, beaucoup de coachs francophones parlent presque exclusivement en anglais dans les vestiaires pour préparer ces jeunes joueurs-là à la vie de hockeyeur professionnel. Donc, je lui ai posé la question. Est-ce que tu fais la même chose avec tes joueurs chez les Carabins? Ce qu'il me dit, c'est non, je n'insiste pas là-dessus, mais il dit ils sont assez brillants pour savoir que s'ils veulent jouer professionnel, ça se passe en anglais. Ouais. Donc, il revient aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés en français, qui sont des termes de football qui sont en anglais. Donc, là-dessus, il fait confiance à l'intelligence de ses joueurs. Bon, on va lui poser la question, pourquoi être revenu avec les Alouettes comme ambassadeur? Et lorsqu'il a quitté il y a quelques années, on sait que l'ambiance était très mauvaise du côté des Alouettes. Kavis Reid était là, il y avait énormément d'erreurs, c'était une organisation qui s'en allait nulle part. Est-ce que le fait de s'en aller à Toronto un an ou deux, je pense que c'est 2 ans, c'était dû en fait que dans le temps qu'Kavis Reid était à la direction des Alouettes, cette organisation-là à la Ladérie? OK. Anthony, Danny wants to know, you left the Alouettes for a couple of years. Now you're back in the nest, as we say. You left the organization a few years ago to go to Toronto, which was at the time the arch enemy, we got to say. But the atmosphere was not that great in Montreal at the time with Kavis Reid and what was going on down here. So what made you come back to the Alouettes as an ambassador? Well, it starts with building relationships, I have a relationship with Danny Machocha, and I have a relationship with Mario Cecchini, when they both were hired, they wanted me somehow to come back with the organization. So that's how it started. It was just a communication between the three of us, but it was really Mario Cecchini who really set this thing in motion and wanted me to come back in some capacity. And COVID hit last year, and I wasn't able to join the team last year. But now here in 2021, I'm finally back, like you said, in the nest and being, you know, part of a team that was pretty much a huge part of my entire life. Donc, ce que Anthony nous dit, Danny, c'est que c'est le résultat, il connaissait bien Danny Machocha, okay. qui est embauché par les Alouettes. Il connaissait également le président Mario Cecchini, qui connaissait bien. Donc, ce sont eux qui l'ont approché pour qu'il devienne, qu'il revienne dans le nid, littéralement. C'est ce qu'on disait. Par contre, évidemment, la pandémie là, a empêché la chose de se faire en 2020. Normalement, il aurait dû redevenir ambassadeur en 2020, mais en raison du fait là, que, en raison de la pandémie, les choses ont été ralenties quelque peu. Il dit que c'était naturel pour lui, après tout ce qu'il avait vécu à Montréal au cours de sa carrière, de revenir dans le nid en quelque sorte. Donc, c'est pas mal ce qu'il nous a dit. OK. Donc, pas un mot sur Kevin Street, mais je l'ai entendu rire. Donc, ça veut dire... Je pense que ça en dit long pas mal sur sa réponse là-dessus. Vas-y. D'accord. Next question, Anthony. And I'm gonna write on Danny's curtail here. On his coattail. You've been in Toronto for a couple of years. Jokingly, at the time, I was calling them the Toronto Alouettes. Because Jim Popp was there, Mark Trestman was there, AJ Green, you had many former Alouettes with which you had a lot of success were mm-hmm. over there. So how was your stay in Toronto at the time? It was awful to be in Toronto. it was difficult being away from my family. That was the biggest thing. I was really spoiled live and work in the same city for over 18 years, 19 years. That was challenging, but I couldn't pass up an opportunity to learn from my mentor, Mark Trestman, because yes, he coached me as a player, but I was never in those rooms with him as a coach. So I wanted to see exactly how he put everything together. So, you know, him and Jim Popp, and SJ, those were the guys that made me feel more comfortable going there. But the main reason was because of Mark Trestman and, of course, Jim Popp. But the most difficult part was just being away from my family. Okay. Alors, ce que j'ai demandé à Anthony Calvillo, Danny, c'est... Tu es parti à Toronto et à la blague, à l'époque, je les appelais les Alouettes de Toronto parce qu'on retrouvait ouais. Mark Trestman, ouais. Jim Popp, plusieurs anciens joueurs, SJ Green et compagnie. J'ai demandé s'ils trouvaient ça, d'une part, comme s'ils étaient à la maison et d'autre part, bizarre parce qu'ils se retrouvaient à Toronto, qui étaient les ennemis jurés à l'époque. Ce qu'il m'a répondu, c'est que lui, ce qu'il a trouvé le plus dur là-dedans, c'était d'être loin de sa famille. Il dit qu'il avait, il a été choyé au cours de sa carrière. Pour avoir passé 18 ans dans la même ville, dans la même organisation. Ce qui l'a poussé à aller à Toronto, c'est qu'il voulait apprendre. Okay. Apprendre de son mentor, qui est Mark Trestman. Il dit, oui, je l'ai côtoyé. Il dit, on avait une relation de joueur à entraîneur. Mais il dit, j'avais pas encore eu une relation avec lui d'entraîneur à entraîneur. Il dit, c'est ça que je suis allé chercher à Toronto. Okay. Et c'est là que j'ai appris beaucoup avec Mark Trestman, mais il dit, ma famille me manquait beaucoup. OK. En parlant d'entraîneur, il se voit où dans 3 à 5 ans? Est-ce que je parlais tantôt avec Danny Machocha, je lui ai en entrevue également, et est-ce que lui se voit encore soit coordonnateur à l'attaque ou encore entraîneur-chef dans la Ligue canadienne? Puisque la première fois qu'il a eu son expérience, ça allait vite un peu pour lui, là. Mais est-ce que lui, là, dans 3 à 5 ans, il a abandonné le poste soit de coordonnateur à l'attaque ou entraîneur-chef? Okay, Danny wants to know, you've been coaching for a couple of years now at the pro level with this, in the CFL. Now you're at the college level with the Université de Montréal. Do you see yourself in a couple of years being, an offensive coordinator or even a head coach somewhere in the future? Well, I think in this profession, any profession you're in, you want to grow and you want to learn, and eventually you want to get into the position where you could be in charge. So being an offensive coordinator, being a head coach, yes, that's something that down the road I would want to have an opportunity to do so. But I've always said before, this profession is very challenging. There's a lot to know. So I'm always wanting to learn as much as I can, but hopefully somewhere down the road I'll have an opportunity to become a head coach somewhere. OK. Alors, ce qu'Anthony nous dit, c'est qu'il il dit, bien sûr, il dit quand on s'embarque dans le coaching, comme il l'a fait, c'est qu'on veut grandir là-dedans. Donc, évidemment, il est encore en phase d'apprentissage, mais éventuellement, il dit pas non à la possibilité là, d'avoir plus loin dans son cheminement un poste d'entraîneur, de coordonnateur à l'attaque ou encore d'entraîneur-chef. Mais il dit, sans nous savoir dans ses plans immédiats, c'est quelque chose qui, évidemment, qui l'a derrière l'esprit. OK, dernière question, Michel, après ça, moi, je vais y en avoir une dernière, puis ça va être tout. OK. For my part, one last question, Anthony. If you compare, even at the pro level, coaching at the pro level, coaching at the college level, as we mentioned earlier, what's the difference between coaching young people that are aspiring to a professional career and coaching in the CFL, for instance? Well, I could tell you that professional athletes and university athletes have one thing in common, and that's passion to win. It's the same. They want to go out there and win every single time. So that I do enjoy being around. And maybe the only other thing is in the CFL, you have 20 over 22 games, where here at the CIS level, you only have up to 12 games, so you don't need as many plays as you do in the CFL, just because you have less games. So those are the two things that really stand out for me. One, both athletes, professional and collegiate, have the passion to win, which is awesome. And then the other thing is basically you don't need a whole lot of football plays like you do at the CFL level, because you just don't have as many games here at this level. Okay. Donc, j'ai demandé à Anthony si quelle différence vous voyez, parce que évidemment il a coaché dans la Ligue canadienne de football également au niveau universitaire. Je lui ai demandé quelle était la principale différence entre les deux niveaux de football. Et lui, ce qu'il m'explique, c'est que dans la Ligue canadienne, évidemment, on joue quelque chose comme 22 matchs, jusqu'à 22 matchs, évidemment, ouais. Si on se rend à la finale de la Coupe Grey, incluant les matchs en concours. Tandis que du côté de l'universitaire, ben, c'est à peu près une douzaine de matchs par année. Donc, on joue un peu moins. Mais ce qu'il me disait, c'est que les athlètes qu'il a côtoyés dans la CFL et les athlètes qu'il côtoie sur le circuit universitaire, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils ont le désir de gagner, ils ont la passion pour le jeu. Et ça, il adore ça, être entouré, être autour de jeunes comme ça. Donc, c'est un peu pour ça qu'il a choisi le coaching. Dernière question pour ma part, c'est une question d'ordre de football. Cet automne, sur les ondes de CBS, Boomer Esiason, qui était analyste des matchs, il y a un match entre les Cards de Phoenix et les Rams de Los Angeles. Et le quart des Cards, c'est Chris Traveller, l'ancien quart des Blue Bombers de Winnipeg, puisque Kyle Murray était blessé. Et Boomer Esiason est allé dire en onde à CBS, il dit « Hey, on n'est pas dans la CFL et on n'est pas dans la Coupe Grey, en voulant dénigrer la Ligue canadienne. » Anthony, lui, est allé dans des camps d'entraînement de la NFL. Je pense qu'il a même joué un match sur concours. Comment il a trouvé ces propos-là envers la Ligue canadienne? OK. Danny noticed something by watching a game, an NFL game on CBS. Former Bengal QB Boomer Esiason, who's now a color commentator there, he was talking. The game was between the Arizona Cardinals and the Los Angeles Rams, and the QB for the Cards was Chris Traveller, a former Winnipeg Blue Bomber. You probably know him, and he made a play, and all of a sudden, Boomer said, this is not the CFL here. You're not playing the Grey Cup. And it was kind of condescending towards the CFL. You've been in NFL training camps and all that stuff. How disrespectful was that from Boomer to, downsize the CFL like he did? Well, I could tell he's not the first commentator to talk badly about the Canadian Football League. It's happened for many years. I remember when I broke the passing record back in 2011, and you know it was a lot of media coverage here in Canada and the U.S. And there were a lot of people who followed the NFL who were saying that, you know, what happens up in Canada doesn't count. There's a lot of people that don't have respect for our league. But then, you know, 80% of the people were saying, great, that's awesome. What people do up there, we acknowledge it. But there's always going to be a few people who don't respect our conference or our league. But all I could say is this, is we have a great game. We have great fans that follow us. And for those who don't understand or appreciate what we do, I'm not going to lose any sleep over what they say. So even when Boomer Esiason said this, a lot of people got offended, and rightfully so. But we can't control what people say. You know, they're either going to like our league or not. And there's not much we could do about it. But I know, like I said, there's a lot of people that down south that really appreciate what every single person who has played in this league has done up here, and we have a long history. So it really doesn't bug me, but I know it happens, and it's going to continue to happen. But that's just part of life. I know it's a long answer. I hope you could translate that, but that's the honest truth. Oh, no problem, Anthony. I'm going to do my best. évidemment, là, Anthony s'excuse parce que la réponse était un peu longue, mais c'est quand même intéressant ce qu'il a nous dit. Il dit oui, il dit des gens qui font des commentaires désobligeants vers la Ligue canadienne, il dit ils sont une minorité, il dit à peu près 80% des gens aux États-Unis reconnaissent que on a la Ligue canadienne de football, c'est du beau jeu, c'est du jeu intéressant, du jeu excitant. Il est revenu sur le fait que, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, en 2011, quand il avait brisé le record pour le plus grand nombre de verges par la passe. Ouais. Chris Berman, je pense, c'est ça? Ouais. Bon, Chris Berman, yes, he's a super fan. Ouais, Chris Berman, ben oui. Donc, ce qu'il s'était dit à l'époque, c'était « Ah, ça compte pas, c'est dans la Ligue canadienne, c'est... » Donc, il y avait ça. Donc, lui, il dit, en fait, pour résumer, il dit, je ne perdrai pas de sommeil à me faire du sang de cochon avec ces gens-là. Il dit, on a un beau sport. Il dit, le football canadien, c'est un beau jeu. Il dit, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui apprécient notre genre de football. Il dit, c'est quand même, il dit, dans le fond, là, j'essaie de me rappeler exactement tout ce qu'il a dit, mais... Oui, donc. On a l'ensemble de la réponse. T'as-tu une dernière question, oui, Michel? Ouais, t'as-tu une dernière question là-dessus, Michel, ou on va terminer? Ou, toi, t'es-tu correct? Ouais. Before we go, Anthony, I just want to say it's an honor and a privilege to have a conversation with you. We've been following your career for quite some time, and you've been a tremendous ambassador for Montreal. So I want to thank you for that, and thank you for your passion for the sport, coming back to teach these young men in college is very commendable, because you could, you know, retire with all the money you made in the CFL, which is not as much as as we think, but it's still not too bad either. So, but we commend you for your passion and your passion for football. Merci pour le gentil démon, pour le kind word. Dis-lui qu'il ne se gêne pas en français. C'est souvent l'ennemi des gens qui apprennent une langue. C'est comme moi, l'anglais, c'est la même affaire. L'ennemi, c'est souvent le français. Donc, qu'il ne se gêne pas de parler en français. Puis quand même, s'il cas, les gens vont apprécier beaucoup plus que... vont tellement apprécier ses efforts. Anthony, Danny has the same problem you have with French, but he's got the same problem with English. What he's telling you is when you're in the media, when you're being interviewed, don't hesitate to speak French to the interviewers, because first of all, it's going to be something that's going to please people, and second of all, It means all the respect you have for the fans here. So don't be shy to speak French. People are going to be surprised and very agreeably surprised that you can actually speak a few words of French. I know for myself that when I was very young, I used to watch the Montreal Canadiens, and some Anglophone players used to learn French. Guys like Ken Dryden, Bob Gainey, Larry Robinson, they all spoke a little French, and it was people were. No, maintenant je comprends. Je dois continuer to feel comfortable parler en français. Je sais, je continue à prendre errors, so make some errors, but I'll be okay. I'm gonna keep trying. Ben, Michel, très intéressant. Thanks, Anthony. No, thank you. Merci beaucoup. Prediction Super Bowl, Chiefs, Buccaneers? I'm going for Tampa Bay. I can't. Tom Brady is an amazing quarterback. Okay, thanks. Michel, nous, on se parle. By the way, you're talking to some Patriots fans here. So. Merci beaucoup, Michel. Nous, on se parle mardi avec Patrick Ewing Jr., l'ancien, le fils de l'ancienne vedette légendaire. Hey, merci beaucoup. Thanks, Anthony. No problem. Merci beaucoup. Bonne journée. Et merci à Michel. Nous, on s'en parle mardi avec Patrick Ewing. Merci beaucoup, Michel, encore une fois, pour tout ce que tu fais. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci beaucoup. Donc, Anthony Calvio et Michel Dugas qui nous parlaient un petit peu de la nomination d'Anthony Calvio comme ambassadeur chez